Chapitre 6. Un fragment de manuscrit. Je suis actuellement, dit Germaine Laurière, professeur de sciences au collège de Provins, petite situation dont je me contente. Je vis là avec ma mère. J'ai perdu mon père toute jeune. Mes appointements et une petite rente nous permettent de vivre heureuse. Escander s'inclina. Mais, continua Germaine, ce n'est pas ma vie présente qui vous intéresse. En revanche, ma vie passée vous apprendra pourquoi je suis venu à Paris, comptant y être entendu. Au temps où je préparais ma licence à la Sorbonne, j'avais compris que la nature de nos ressources ne nous permettrait pas une très longue attente, et que les frais nécessités par mes études excéderaient de beaucoup nos moyens. Je me rendais aussi compte des difficultés de la vie, et je voulais m'armer pour les aborder et les vaincre. Je cherchais, et comme j'étais déjà d'une certaine force en chimie, je finis par trouver une place de préparatrice assez bien payée, chez un chimiste déjà célèbre. Le soir, je continuais à travailler pour moi. « Je voudrais vous demander quelque chose, mademoiselle. »« Quoi ?»« Une poignée de main. » Germaine rougit légèrement, hésita, puis franchement, avec un sourire, tendit au jeune homme une main fine et blanche. Le jeune homme la serra vigoureusement, comme il aurait serré la main d'un camarade. Le geste fut heureux, car il libéra la jeune fille de ses dernières contraintes. Elle continua. « L'homme chez qui j'entrais s'appelait Jacques Lambert. Peut-être avez-vous entendu parler de lui ?» Escander secoua négativement la tête. Germaine continua. « C'était un être inquiétant que cet homme courbé sur ses cornues, sur ses éprouvettes et sur ses formules. Je le revois encore, vêtu de sa longue blouse blanche, faisant ses mélanges, maniant les substances les plus dangereuses, tout en monologuant. Je l'estimais pour sa valeur, mais je ne l'aimais pas. Il me faisait peur. Il était si rempli de haine. La situation qu'il devait à ses travaux ne lui suffisait pas, encore que très appréciée. Il voulait mieux. Il voulait tout, la richesse, les honneurs. Son rêve l'emportait trop facilement vers des sommets dont il lui était amer de redescendre. De là sa haine et ses discours qui m'effrayaient. Il menait une étrange existence, toute mystérieuse, disparaissant subitement sans prévenir, ne disant jamais où il se rendait, ni ce qu'il allait faire, puis revenait comme il était parti. Mais au lendemain de ses absences inexpliquées, il apparaissait particulièrement fébrile, soupçonneux, inquiet. Cependant, il me prenait volontiers pour confidente de certains travaux. Il m'annonça un jour qu'il était sur la voie d'une grande découverte, d'une puissance inouïe, qui pourrait, quand elle serait définitivement mise au point, faire de lui le maître du monde. Mais pour cela, il lui fallait de l'argent, beaucoup d'argent, afin de mener cette découverte à bonne fin et la faire entrer dans le domaine pratique. Le monde indifférent, le monde stupide, apprendrait alors un jour à ses dépens ce qu'il en coûte de laisser dans l'ombre un savant comme lui, puisqu'il pourrait alors, lui, Jacques Lambert, si tel était son bon plaisir, détruire les plus puissantes cités, anéantir les nations les mieux armées, sans risque pour lui-même. Il alla même, au cours d'une de ses crises haineuses, jusqu'à dire « Le crime est légitime quand il conduit à une découverte ou quand il la sert. Le bien peut sortir du mal, et le médecin qui ferait de la vivisection humaine pour découvrir l'origine du cancer serait un bienfaiteur de l'humanité. D'ailleurs, qu'est-ce que l'humanité? Un ramassis d'imbéciles. Qu'est-ce que la vie d'un être dont le cerveau n'est ni une force ni une clarté ?» Je me souviens d'autant mieux de ses propos qu'il m'avait profondément troublé, et que le soir même je les rapportai à ma mère, qui fut très inquiète. Désormais je me tins avec lui sur une grande réserve, me contentant de le servir, mais fuyant toutes les occasions de susciter ses confidences. J'eus tort, mais je vous l'ai dit, il me faisait peur. J'avais mission de classer ses notes. C'était un esprit très méthodique. Un jour je trouvai dans les cendres du foyer un papier en partie détruit par le feu. J'y jetai les yeux, et, je l'avoue, son étrangeté me le fit garder. Ce papier que Jacques Lambert voulait détruire, c'est celui que je voulais remettre au ministre, parce qu'il autorise tous les soupçons. « Et vous avez ce papier ?»« Non, ils l'ont gardé, mais je puis le reconstituer. »« Garçon, cria Escander, vite, de quoi écrire ?» Lui-même fit une place sur la table et poussa le buvard devant la jeune fille. Elle ouvrit son sac, en tira un stylographe, et d'une haute écriture couvrit la feuille en laissant des blancs dans le bloc de l'écriture, dessinant ainsi, sans doute, les endroits où l'original présentait des solutions de continuité. Escander avait approché sa chaise et ses yeux attentifs suivaient la plume d'or. Il lut. « Trouvé, isolant presque parfait. Encore un mois ou deux, que d'argent. Je l'appellerai cristal au pire. Avec lui, j'épouvante, monde. Dès maintenant, fixé sur ce papier les caractères, je ne veux pas qu'un journal puisse nier que je sois l'auteur de cette découverte. Absorbe en quelque sorte la chaleur des corps qui sont à une certaine portée d'une de ses faces. Cette chaleur, traversant la matière, vient alors échauffer ce qui se trouve à une certaine portée de sa face opposée. » Quand Escalander eut lu ces lignes, il resta stupéfié. Bien que décousu et incomplet, ces fragments lui ouvraient des horizons immenses. Si Jacques Lambert ne s'était pas mépris sur la valeur de sa découverte, s'il n'en avait pas exagéré à ses propres yeux la véritable importance, il fallait admettre qu'il avait découvert un corps dont les propriétés étaient susceptibles de provoquer de singuliers phénomènes. Ainsi pensa le journaliste dans la promptitude de son jugement. Escander, songeur, contemplait cette feuille énigmatique. « C'est prodigieux, dit-il, les idiots !» Il garda un instant le silence, puis « Savez-vous ce qu'est devenu ce Lambert ?»« Je l'ignore. »« Bon, je le retrouverai. En tout cas, mademoiselle, vous avez fait preuve d'une heureuse initiative. Je vous en félicite. Ce papier n'est peut-être que le résultat d'un songe fumeux. C'est peut-être mieux. Nous verrons. Vous allez retourner à Provins et vous attendrez que je vous télégraphie. Je vais chercher ce Lambert. Maintenant, dites-moi, êtes-vous ambitieuse ? Pas du tout. Quoi ? Vous ne voudriez pas d'une belle chaire de chimie ? Si, si on me l'offrait. On ne vous l'offrira pas, mais peut-être vous offrira-t-on les moyens de l'obtenir. Les accepteriez-vous ? Oui. Bon, tenez-vous essentiellement à Provins. Je préfère Paris. Parfait. Puis-je vous considérer comme une collaboratrice éventuelle ? Certainement, si je puis vous être utile. Vous le saurez. Je crois que nous allons rire. Je vais retourner au journal et rédiger un article dont on parlera. Me permettez-vous d'emporter ce document ? Ajouta le journaliste en désignant la feuille qui portait les lignes mystérieuses. « Certainement. Vous êtes délicieuse. Maintenant, en route. » Escander paya, puis tous deux se retrouvèrent dans les Champs-Élysées. « J'espère que vous n'êtes pas embarrassé pour tuer le temps et attendre 6 heures. Il y a tant de beaux magasins à Paris, » dit Escander. « J'ai en effet quelques petits achats à faire, » dit la jeune fille en souriant. « Alors ce soir à 6 heures à la gare. Je vous accompagnerai jusqu'à votre wagon. En tout cas, je vous écrirai. » « Je voudrais, dit Germaine, après une minute de silence, être laissée dans l'ombre. Soyez tranquille, personne ne saura d'où m'est venu ce document. » Les deux jeunes gens se serrèrent la main et Escander regarda s'éloigner de son pas souple cette jeune fille qu'il admirait.